Cœur russe, par Eugène Melchior de Voguet, Histoire d'hiver. C'était à la Noël d'une des dernières années. J'avais été prié à une battue de loup dans un district de l'intérieur de la Russie. La matinée fut superbe. 10 degrés de froid, un clair soleil au ciel bleu, pas un souffle d'air, de vastes horizons de plaine, tout d'un blanc cru avec des reflets roses et des traits d'or. Un monde mort et brillant comme une vieille porcelaine de Chine. Sur cette étendue plate, des parties repoussées en saillie ou découpées en creux, qui avaient dû être, durant la saison vivante, des bois, des collines, des rivières, des étangs. Maintenant, ces accidents de la terre n'avaient ni forme ni couleur. On les devinait vagues, perdus, sous le linceul, l'uniforme. Ce monde glacé me rappelait le désert d'Égypte. Il en avait le silence, la solitude, l'éclat et l'immobilité. De la neige au lieu de sable, c'était la seule différence. Le désert d'Afrique, vieilli, refroidi et blanchi, aura peut-être cet aspect au déclin des siècles. Nous entrâmes dans la forêt. La neige avait percé et comblé ses plus profondes retraites. Les parties basses étaient sourdes et pâles. Sur nos têtes, la lumière se jouait dans une voûte de cristal. Chaque sapin, chaque bouleau, semblait taillé dans un diamant géant et s'achevait là-haut, en une flamme rose. On eût dit d'une salle de marbre aux colonnes innombrables, supportant des milliers de lustres étincelants de feu. Les rayons couraient, ivres de plaisir, entre les fines broderies et les fleurs de verre qui se découpaient sur l'azur du ciel. C'était comme un rire fou du soleil dans ce rêve luxueux du vieil hiver. Nous en jouissions d'autant plus que les effets de givre sont fort rares en Russie, vu la constance et la sécheresse du froid. Les paysans battaient le bois. Quelques loups vinrent montrer à la lisière leurs têtes inquiètes. Ils glissaient hors du fourré sans qu'une branche eût remué ni crié, légers et silencieux comme des souffles d'enfants. Ceux qui échappaient à nos coups de feu forçaient dans la plaine. On les voyait fuir et se perdre au loin, de petits points gris. Vers 2 heures, les sommets illuminés s'éteignirent brusquement, le ciel s'abaissa. Une ouate épaisse emplit l'espace. Voilà les objets les plus proches. D'énormes flocons, rares et lents d'abord, puis pressés et tumultueux, nous frappèrent au visage. Ils venaient de tous côtés et remontaient de terre plutôt qu'ils ne tombaient d'en haut. Un vent s'est élevé, qui semblait faible et ne faisait pas de bruit. Pourtant il charriait les masses de neige à d'immenses portées. Le froid, insensible auparavant dans l'immobilité de l'air, nous prenait aux yeux et aux lèvres avec d'aigres morsures. Nous remontâmes précipitamment dans nos traîneaux de paysans. Les petits chevaux du village flairaient avec anxiété dans la direction de la route disparue et s'orientaient des naseaux vers la maison. Tout indice s'était évanoui, pas de ligne à l'horizon, des ténèbres creuses qui reculaient devant nous. Dans cette nuit prématurée et déloyale, avec de fausses lueurs de jour, dans cette tourmente muette qui dissimulait sa force, on sentait une fureur contenue, le désir et la puissance de nuire à l'homme par surprise, par un guet-apens sournois. Heureusement, nous rencontrâmes le lit de la rivière. Il nous fournit une route certaine jusqu'à la maison. Avant la nuit close, nous étions réunis devant le poêle de faïence, autour du samovar qui chantait la chanson monotone des veillées russes. Ce fut une longue soirée, dure à tuer. Mais pour combattre les ennuis de leur hiver, la Providence a donné au fils de Rurik 2 armes fidèles, les cartes et le thé. Entre le samovar et la table de jeu, les heures russes coulent inoffensives et inutiles, comme une monnaie dépréciée, si abondante que nul n'a jamais songé à l'économiser. Mes compagnons de chasse, des fonctionnaires du district, ne se firent pas prier. 5 minutes après avoir déposé leurs fusils, ils étaient assis devant le tapis vert, marbré de taches, où chacun disposait méthodiquement un verre d'eau bouillante, un bâton de craie pour marquer ses gains, un briquet, une boîte à tabac en cuivre jaune, avec une vue du couvent de Saint-Georges nicelée sur le couvercle. À 3 heures du matin, chacun ayant bu 8 verres de thé et fait 15 rubers de whist, il fallut user de persuasion pour les décider à s'aller coucher. Ils s'y résolurent après force promesse de recommencer le lendemain et s'éloignèrent avec des félicitations mutuelles, de gros rires, en répétant jusque dans leur lit « Slavny denyok », la bonne petite journée. Simple spectateur, je trouvais ce divertissement moins délicieux, et vers le soir, la tourmente s'étant calmée, je sortis pour faire un tour dans le village. Je m'arrêtai devant les vitres opaques du cabaret. Les paysans qui nous avaient servi de rabatteurs le matin étaient réunis là. Ils buvaient leur gain de la journée, qui en eau de vie, qui en thé. On organisait un bal. Les filles et les garçons dansaient, c'est-à-dire tournaient en rythmant le pas et en se tenant par la main. Le ménétrier était un petit homme à figure insignifiante, d'âge incertain, d'air souffreteux, cassé et ployé sur lui-même, comme les hommes de peine qui ont porté de bonheur des poids trop lourds. On devinait un ancien soldat à la coupe de sa barbe et de ses cheveux, à la soutenie de drap gris qui l'enveloppait, et avait dû être jadis une capote d'ordonnance. L'homme grattait trois cordes, assez gauchement disposées sur un violon de bois blanc dégrossi à la hache. Cet instrument primitif était évidemment de la manufacture personnelle du musicien. Quand les danseuses, lasses de tourner, regagnèrent leur banc en esquivant les baisers sonores des cavaliers, le ménétrier continua de tourmenter son violon. Assis dans le coin, sous les saintes images, le dos tourné au public, il semblait maintenant jouer pour lui-même. Cependant tous l'écoutèrent religieusement quand, après quelques arpèges irrésolus, il entonna d'une voix chevrotante, en s'accompagnant sur la troisième corde, une chanson populaire du Volga. Je la reconnus, l'ayant entendu chanter l'autre été par les bateliers du fleuve. Oh, ma barbe, ma petite barbe, ma barbe de castor, tu as blanchi, ma petite barbe, avant l'heure, avant le temps. Autrefois, si je te retroussais fièrement, ma jeune moustache noire, les belles filles prenaient feu, les filles des boyards se consumaient d'ardeur. Si je mordais mon poil, le païen scélérat se jetait à battre son cheval, l'allemand effaré se cachait dans son trou. Où sont tes boucles frisées? Ce n'est pas la neige, ce n'est pas le givre qui t'ont flétri, ma bonne, qui t'ont fait grise et désolée. Ce n'est pas le vent, ce n'est pas le méchant ennemi. Celui qui t'a flétri, c'est l'autre qu'on n'invite pas. Et cet autre qu'on n'invite pas, c'est le chagrin, ce serpent. Oh, ma barbe, ma petite barbe, ma barbe de castor. Je revins à la maison où l'on m'attendait pour souper. Après souper, mon amphitryon abandonna les joueurs à leur joie silencieuse, et nous commençâmes à causer de choses et d'autres. Mikhaïl Dimitritch P. était un homme d'un commerce agréable, supérieur au milieu où le sort l'avait jeté. Sa famille faisait bonne figure à Pétersbourg. Il avait grandi dans la capitale, voyagé au dehors et acquis une instruction solide dans les universités d'Allemagne. Après quelques années de service dans l'armée, il s'était poussé à la cour, vivant du meilleur air et contractant des amitiés brillantes. Mais au détour de la seconde jeunesse, au moment de capitaliser ses chances de parvenir, il avait été pris de cet engourdissement qui saisit très souvent l'homme russe vers le milieu de la vie. C'est une torpeur critique, faite pour moitié de paresse et pour moitié de nihilisme philosophique. Les plus intelligents sont les plus sujets à cette rupture de la volonté, qui laisse la pensée intacte. Celle-ci se dépense dans le vide, le cerveau devient une machine qui chauffe sur place et produit de la force perdue, l'appareil de transmission s'étant brisé. Mikhaïl Dimitritch avait alors hérité de ce domaine éloigné et s'y était retiré. Il y faisait un peu d'agronomie, sans grandes illusions sur les résultats de ce passe-temps. Il s'adonnait à l'étude des questions économiques, c'est-à-dire qu'il les mûrissait en fumant sa pipe et en discutant des soirées entières avec le maréchal de noblesse ou avec le juge de paix. Le premier étant un réactionnaire féroce et le second un rouge avéré, Mikhaïl Dimitritch possédait sur chaque question une solution autoritaire et une solution libérale, qui prévalait à tour de rôle dans son esprit, suivant l'interlocuteur rencontré la veille. Quand il était trop tourmenté par les antinomies des problèmes sociaux, il relisait un chapitre de Kant, ou l'introduction à la synthèse négative du professeur Verbludovitch. Son esprit trouvait dans ses lectures un secours digestif, si je puis dire, le mélange d'apaisement et d'excitation légère que procure le cigare après dîner. Son intelligence se plaisait dans cette vapeur de pensée, comme son corps dans la vapeur du bain russe, dans l'atmosphère tiède qui n'est ni de l'eau ni de l'air, mais un brouillard doux. Pour garder plus de liberté et d'ampleur à ses études abstraites, mon ami les séparait sagement des réalités mesquines de l'existence. Ainsi, Mikhaïl Dimitritch travaillait plus spécialement la réforme de l'administration provinciale, l'amélioration du sort des paysans, l'extinction de l'ivrognerie et l'assimilation des Israélites.